chante doucement, des airs sanglotants, des complaintes pessimistes. Pour retrouver la piste, je parcours tranquillement la campagne sous le vent, et je porte l'espoir d'être bien quelque part. Je veux vous parler d'une terre inondée où l'âme du candide n'est pas grimée. Il tente d'être lucide, il est joyeux, il a rêvé du vent sans être silencieux. J'ai parfois l'esprit critique sur les rythmes exotiques, et je m'égare un instant, ou bien une heure en m'enfuyant. Je contemple le spectacle insolite de minutes éternelles, j'en espère d'autres, même petites, dont le plaisir est un appel. Je veux vous parler d'une terre inondée où l'âme du candide n'est pas grimée. Il tente d'être lucide, il est joyeux, il a rêvé du vent sans être silencieux. Je vous emmène, le voyage dure une vie à peine. Je fais tomber les masques de l'ennui et du manque de frasques. Je veux vous parler d'une terre inondée où l'âme du candide n'est pas grimée. Il tente d'être lucide, il est joyeux, il a rêvé le vent sans être sentencieux.